enquête au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à depuis le 1840. Allô? Allô, c'est l'institution de jeunes filles. Oui, monsieur. Ah, je m'excuse de vous déranger, madame. C'est monsieur Sautreau qui est à l'appareil. Monsieur Sautreau? Sautreau, oui, j'ai une institution de jeunes gens à Vincennes. Oui. Le cours Sautreau. Oui. À Vincennes. Vous connaissez? Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Bernard-Henri Lévy, philosophe contemporain fort influent, fort médiatique, fort écouté, fort guetté, fort jalousé, s'est trouvé mystifié tout récemment lorsque, dans son dernier livre, il a cité comme véridique l'œuvre d'un certain Jean-Baptiste Botulle. Ce Botulle était supposé l'auteur d'une série de conférences proposées aux néo-kantiens du Paraguay et démontrant que Kant était, je cite, un faux abstrait dont l'œuvre traduisait secrètement une volonté de contenir les affres d'une vie et même, je cite toujours, une folie souterraine. Il s'agissait en fait, chacun l'a su, d'une mystification. Botulle, auteur prétendu d'une vie sexuelle d'Emmanuel Kant, n'ayant existé que dans l'imagination fertile et savante de Frédéric Pagès, agrégé de philosophie et aussi, c'est compatible, journaliste au Canard Enchaîné. Celui-ci avait d'ailleurs fait signer à Botulle d'autres ouvrages, notamment « La métaphysique du mou » et « Landru, précurseur du féminisme ». Bernard-Henri Lévy, qui s'est montré beau joueur en s'écriant « Salut l'artiste », n'est ni le premier ni le dernier à avoir été la victime de pareils canulars. Et l'évocation des précédents n'est pas seulement réjouissante, pour qui a le goût du cocasse qui fait bouger les lignes, elle peut être révélatrice des fragilités et des faux-semblants du monde des lettres et de la politique, de génération en génération. Laurent Theis, historien aussi compétent sur le Moyen-Âge que sur le 19e et le 20e siècle, et qui déteste, je peux le dire, se prendre au sérieux, m'a paru tout à fait armé pour traiter avec moi de ce sujet. Et cela n'est pas une blague. Laurent Theis existe. Enfin, nous allons voir. Attention, François Générique, c'est parti! Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de l'RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées, excusez-moi. Voilà, on me confirme d'ailleurs à l'instant par téléphone que des événements de la plus haute importance se déroulent. Nous allons retrouver tout de suite en direct Frédéric Gersdorff. Il est aux abords du Palais Royal en plein cœur de Bruxelles. Frédéric, que se passe-t-il pour l'instant? Il se murmure, c'est encore seulement un murmure, mais qu'Albert II projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner suite à ce dont vous avez parlé, à savoir ces décisions que le Parlement flamand prendrait de façon imminente, une décision avec laquelle le roi Albert II est en total désaccord. Présager une crise majeure ce soir et dans les jours qui viennent au sommet de l'État. Encore une autre chose que nous avons pu voir, ce sont des images qui sans doute viennent d'arriver à l'RTBF, elles ont été tournées il y a quelques minutes, c'est à l'aéroport de Melsbroek, où on a vu effectivement le roi, la reine et toute une série de proches, des militaires qui étaient présents sur le tarmac, ils allaient donc grimper dans un avion de la Défense Nationale. Alors quelle destination a pris effectivement cet avion, ça on ne sait pas le dire aujourd'hui. On essaiera d'en savoir plus, bien sûr, Frédéric. Et puis donc, la décision du roi ressemble bien évidemment à un coup de colère, une décision qui fait suite à ce que le Parlement flamand souhaite aujourd'hui. Mais que souhaite-t-il exactement? On va avoir plus de détails à l'instant même avec Christophe de Boursu. Christophe, que se passe-t-il au Parlement flamand? François, je me trouve devant la façade du Parlement flamand. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons confirmation depuis quelques instants. Les parlementaires réunis ici viennent de décider à une écrasante majorité, semble-t-il, l'indépendance de la Flandre, l'indépendance pour tout de suite. Vous le voyez et vous l'entendez derrière moi, une première manifestation s'organise à l'instant. Et donc, on a entendu également il y a quelques minutes des exclamations, des hurrahs venant de l'Assemblée. Sans doute était-ce le moment où le vote a eu lieu. Mais donc, on ose à peine le croire, François, à l'instant où je vous parle, la Belgique a cessé d'exister. Laurent Thesse, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre un docufiction qui avait été proposé par la RTBF, la radio et télévision belge, le 14 décembre 2006, qui annonçait, de façon évidemment canulée, que la Belgique avait vécu. Je rappelle que sur l'écran passait régulièrement la formule « ceci n'est peut-être pas une fiction ». Et de fait, on a le sentiment que certains y avaient cru. C'est la réussite d'une mystification des canulars lorsqu'ils sont bien menés, c'est-à-dire qu'on emmène la fiction aussi loin que possible à l'intérieur de la réalité, et elle finit, cette fiction, par se substituer à une réalité parce que bien des éléments matériels, intellectuels, psychologiques et politiques dans cette circonstance pouvaient conduire à l'extrême à cette issue qu'on ne prévoyait pas mais qui était déjà quelque part dans les esprits. Là, à mon avis, la mystification ne réussit que si des conditions sont réunies pour qu'elle puisse s'installer. De surcroît, le canular doit ne pas être dirigé directement contre une personne. Il ne s'agit pas d'organiser une supercherie au dépens de quelqu'un. Il s'agit de créer une sorte de piège où qui voudra ou qui pourra viendra s'engluer. Il est vraisemblable que les auteurs de ce canular, ces journalistes, ont voulu créer ce phénomène d'abord pour leur propre plaisir et qu'ils n'ont certainement pas anticipé le succès que ce canular a obtenu et qui aurait pu d'ailleurs déboucher par des comportements collectifs successifs, débouchés sur une véritable crise politique et morale de la Belgique, qui a montré à cette occasion sa fragilité. Et peut-être cet événement a-t-il eu des conséquences sur la suite du destin de la Belgique, dont on sait qu'il est toujours pendant. Le canular, donc, quand il marche, est révélateur de tendances profondes. Le canular marche, à mon sens, quand il échappe à ceux qui l'ont conçu. Il semble qu'il y ait eu des vraies scènes de panique. Voilà. Comme il y en avait eu d'ailleurs avant la guerre, à la fin des années 30, lorsque Orson Welles avait créé un événement également très connu, lorsqu'il avait, à partir de la guerre des mondes, de Welles. Orson Welles avec un œil, oui, l'autre Welles, sans œil à la fin, il avait créé à la radio une panique collective en laissant entendre que les Martiens avaient débarqué, que les Terriens étaient vaincus. Mais le plus curieux dans cette affaire, c'est que de loin en loin, au sein de cette émission radiophonique, il était indiqué qu'il s'agissait d'une fiction. Mais malgré tout, l'effet était si puissant que les avertissements n'ont pas servi. Mais d'où vient d'ailleurs ce mot de canular ? Alors le canular, d'après les philologues et les lexicographes qu'on peut consulter, serait dérivé par les élèves de l'école normale supérieure du terme latin canula qui désigne le roseau, c'est-à-dire le roseau creux à l'intérieur qui servait en quelque sorte de clistère, c'est-à-dire pour faire sortir ou pour introduire des substances à l'intérieur de la personne par les voies naturelles, comme on dit. Et de canula, on a fait canularium, et le canularium a été abrégé en canular. À l'époque, c'était des épreuves burlesques, étaient des brimades qui étaient imposées aux nouveaux élèves. Vous n'avez pas connu. C'était un rite, au fond, d'initiation. Nous pouvons citer, si nous faisons une sorte d'inventaire des canulars au sens le plus large, des plaisanteries, leur forme la plus élémentaire qui est le canular téléphonique. Et là, il reste un grand maître qui est Francis Blanche. Ça nous renvoie au début des années 70. C'est un normalien d'honneur. Allô, c'est l'institution de jeunes filles. Oui, monsieur. Ah, je m'excuse de vous déranger, madame. C'est monsieur Sautreau qui est à l'appareil. Monsieur Sautreau ? Sautreau, oui, j'ai une institution de jeunes gens à Vincennes. Oui. Le cours Sautreau. Oui. À Vincennes. Vous connaissez ? Oui. Bon, dites-moi, voilà, j'étais en train de faire le tour, n'est-ce pas, des institutions de jeunes filles pour essayer de mettre sur pied une série de sorties. Est-ce que vous pensez que ce soit possible ? Une série de sorties. Oui, parce que vous savez ce que c'est, j'ai mes jeunes gens, n'est-ce pas, le jeudi, etc., ils vont traîner à droite à gauche. Alors j'aimerais mieux faire des sorties organisées avec, bien entendu, les élèves d'une institution de jeunes filles. Oh, jeunes gens et jeunes filles, vous voudriez mettre ça ensemble ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ben, moi, je suis pas de votre avis, monsieur. Ben, vous savez, ça vaut mieux que des jeunes gens tout seuls, hein. Oui, mais des jeunes filles tout seuls, c'est encore mieux. D'abord, nos jeunes filles, nous organisons nos sorties Oui, justement, mais je pensais que ça pouvait amener une espèce de compréhension mutuelle. Vous trouvez, vous? Oui, ça me semble. J'ai jamais vu, moi, garçon et fille, vous savez. Ça leur plaira peut-être, mais. Ah oui! Vous savez, les cours mixtes, c'est jamais parfait en France. Oui! Hein, moi, je ne suis pourtant pas collé montée, monsieur. Non! Mais vous savez, les cours mixtes, ça n'a jamais beaucoup donné. Oui, d'accord. Alors, les sorties en garçon et fille, eh bien, malgré qu'il y ait des surveillants ou des surveillantes, il se passera bien des petites choses qu'on ne voudrait pas qu'il se passe. Oui, bien entendu, mais n'importe comment, vous savez, ce qui est écrit, hein? Oh, ce qui est écrit, il y a quand même des choses qu'on peut éviter. Hein? Ah, pourquoi c'est... Ah, pourquoi? Ben, écoutez, monsieur, vous avez été jeune, et puis moi aussi. Ben, bien sûr, ben, je... Ben, alors, écoutez, vous raisonnez comme ça parce que, je ne sais pas, je ne connais pas votre âge, mais on raisonne comme ça quand on est plus vieux, mais quand on est jeune, vous savez, c'est toujours, on a toujours des inclinaisons et des tendances. Bien sûr. Moi, j'ai consulté mes jeunes gens à droite, à gauche, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont tout à fait d'accord. Vos jeunes gens? Oui. Évidemment, ils sont toujours d'accord. Ils sont même assez emballés. Ah, ben, qu'ils soient emballés, je comprends. J'ai qu'à consulter mes jeunes filles, elles seront emballées aussi. Eh bien, alors? Alors, Laurent, c'est un canular au sens propre ou c'est plutôt une mystification? Oh, vous savez, canular est un mot avec une racine latine et mystification avec une racine grecque. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre les deux. Ce qu'on peut souligner, c'est d'une part l'extraordinaire virtuosité de Francis Blanche, dont il faut rappeler qu'il a été le plus jeune bachelier de France à moins de 14 ans. Et saluons. Et d'autre part, la très grande qualité de l'interlocutrice, qui mène ce dialogue tout à fait irréaliste, avec beaucoup de sérieux, et en même temps, une forme d'intelligence qui le met presque à la hauteur de Francis Blanche, et qui, incidemment et rétrospectivement, pose la question de la mixité, qui dans les années 70, que nous avons bien connu, était un problème pendant dans la société et notamment à l'intérieur de l'institution scolaire. De sorte que ce canular met au jour, en effet, une question, mais qui est menée évidemment avec un brio qui laisse pantois et que Francis Blanche renouvelait au moins une fois par semaine. Ce sont des souvenirs tout à fait inoubliables. Au sens plus précis du canular, il faut envisager des sortes d'attrape-mouches qui ont été inventées pour que des malheureux viennent s'y engluer. Oui, c'est la mise en mouvement de personnes qui, sans cela, ne se seraient pas révélées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, en partie, des naïfs ou des dupes. Alors, je voudrais qu'on parte d'un magnifique canular, peut-être le plus célèbre ou le plus admirable de tous, c'est l'affaire Hégésippe Simon. Oui, parce qu'il est chimiquement pur. Dans l'année 1913, des parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale, ont reçu, une centaine d'entre eux, des radicaux, ont reçu un courrier à en tête... Le texte était à peu près celui-ci, comité pour la commémoration d'Hégésippe Simon, et portant également en épigraphe sur ce papier à lettres, les ténèbres s'évanouissent quand le soleil se lève. Et cette lettre contenait un appel à ses députés, à ses parlementaires, pour commémorer le centenaire de la naissance d'Hégésippe Simon. Précurseur de la démocratie. Précurseur, éducateur de la démocratie, précurseur de la démocratie, en proposant d'ériger un monument à sa mémoire. Et on demandait le parrainage de ces parlementaires. Un certain nombre d'entre eux ont aussitôt répondu, une demi-douzaine, dont celle d'un élu, et c'est absolument admirable, qui déclara lui-même avoir bien connu Hégésippe Simon et qui était donc très content de participer à cette commémoration. C'est un futur président du Conseil, dont par charité et respect pour sa famille, nous ne donnerons pas le nom. La lettre a été aussi adressée à des sénateurs, à des conseillers généraux. Bref, il était prévu dans 47 endroits différents, le même jour, à la même heure, l'érection de ce monument à la mémoire d'Hégésippe Simon, il était prié aux parlementaires de venir prononcer un discours. Et l'un d'eux, beaucoup se sont excusés, d'autres ont dit qu'il viendrait, qu'il parlerait. S'est excusé le sénateur de la Nièvre, le comte Daunet, qui a regretté de ne pas pouvoir se trouver dans la localité qui lui était assignée, c'est-à-dire un chef-lieu de canton de la Nièvre, qui s'appelle Poil. Et il a regretté, je cite, de ne pas pouvoir se trouver à Poil au jour fixé. Pour être précis, Poil est une commune tout à fait respectable, en effet, située au sud-est de l'ancien oppidum de Bibracte. Et les habitants de Poil s'appellent les Pixiens et les Pixiennes, je le rappelle, parce que s'ils sont chagrinés par cette émission, il faut les consoler. Elle ne peut leur faire que beaucoup d'honneur, puisque leur représentant voulait en effet participer à l'hommage aux précurseurs de la démocratie. Naturellement, au bout d'un mois à peu près, la supercherie a commencé à affleurer et on s'est aperçu qu'Hégésippe Simon était une créature forgée par un certain Paul Birot, qui était à la fois journaliste et imprimeur, ce qui lui permettait de fabriquer du beau papier à lettres. Et la mystification a été révélée en janvier 1914, par son auteur lui-même, dans une immense rigolade, puisqu'une cinquantaine de quotidiens et de journaux ont repris, évidemment, pour pouvoir mieux se moquer, de cette classe politique censée nous diriger et qui, véritablement, se laissait prendre au piège le plus grossier. Et comme toujours, on généralisait, parce que tout de même, ça n'a concerné qu'une poignée de parlementaires. Voilà. Néanmoins, Paul Biro était allé jusqu'au bout d'une démarche qui, normalement, raisonnablement, aurait dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Comme quoi, quand on mobilise, au fond, un certain aspect de l'inconscient individuel, eh bien, les représentants du peuple ne pouvaient que se sentir obligés de célébrer ceux qui les avaient précédés sur la voie, au fond, de l'éducation populaire. Ça fait réfléchir, d'ailleurs, aux composantes d'un succès. Égésippe Simon, c'était très intelligent. Très intelligent. C'est composé de Égésippe Moreau, qui était un poète de seconde zone. Romantique. Qui était né, si je me souviens bien, en 1810. Bravo, quelle mémoire. Et du ministre Jules Simon, qui fut grand philosophe et un peu homme politique, qui était né, lui, en 1814. Donc, entre les deux, se trouvait la date de 1813, qui était la date inoubliable de la naissance d'Égésippe Simon. Il n'est pas sans importance de rappeler qu'il s'agissait effectivement d'un journaliste de droite ou même d'extrême droite, proche de l'Action française. Son intention était de ridiculiser un petit peu peut-être certains radicaux, mais il a avoué lui-même, comme d'ailleurs d'autres auteurs de supercherie, que s'il l'avait adressé à d'autres correspondants, les mêmes s'y seraient laissés prendre. Alors un autre exemple, parce que nous pourrions les multiplier, d'ailleurs nous allons en citer d'autres, c'est celui du peuple polonais. Mais peut-être avant, pouvez-vous nous rappeler cette grosse blague qui a concerné le soldat inconnu? Ah, au milieu des années 1920, des élèves des grandes écoles, en particulier d'écoles polytechniques, mais aussi des normaliens, si je me souviens bien, ont entamé une démarche très honorable et véritablement compassionnelle. On avait appris en effet que la veuve et les enfants du soldat inconnu se trouvaient en grande difficulté matérielle, et donc il a été organisé une quête en faveur de la veuve et des enfants du soldat inconnu, qui a produit des contributions relativement importantes, dont je ne sais pas d'ailleurs si elles ont été reversées à d'autres véritables veuves et à d'autres véritables enfants. Mais pourquoi le soldat inconnu n'eut-il pas d'une veuve et des enfants connus, après tout ça laisse réfléchir. Nous laissons effectivement le point de savoir où l'argent est allé dans le domaine immense de l'incertitude. Et parlons des Poldèves, parce que les Poldèves, c'est fascinant. Ça a très très bien marché aussi. Alors, les Poldèves ont admirablement marché. Il en reste encore quelque chose peut-être dans la mémoire collective. Ce sont toujours une seconde fois en tout cas, ce sont les parlementaires qui sont l'objet d'une démarche, parce qu'évidemment ils sont facilement identifiables et repérables et pour certains d'autres connus. C'est un élément de l'histoire de l'antiparlementarisme en réalité. Il y a de ça. D'autant plus que le coup venait d'un journaliste d'Action française qui s'appelait Mellet et qui a écrit en 1929 à des députés plutôt de gauche. Il a envoyé une lettre avec là encore un en-tête. Très important les en-têtes pour donner de la légitimité à toute démarche quelle qu'elle soit. Si vous mettez l'en-tête de Radio France, il est vraisemblable que ce sera plus facile qu'une lettre sans en-tête. Je me garderai bien d'utiliser le papier en-tête de Radio France. Là, je tiens à vous le dire très fortement. Il s'agissait du comité de défense Poldève. Si on le fait, c'est pas moi. Ça sera peut-être un canular. Le comité de défense Poldève a donc adressé une lettre à des parlementaires les priant d'intervenir à Genève auprès de la Société des Nations pour s'élever contre les sévices auxquels la population Poldève était soumise de la part de riches propriétaires terriens. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait de la lettre. Vous allez voir comme c'était habilement composé. Donc, honoré monsieur le député, nous ne demandons pas le plus petit secours en argent, mais seulement votre éminent appui moral. La France de 1793, qui a piétiné les tyrans et les rois, peut nous arracher d'entre les griffes des grands propriétaires affamés de sang Poldève. Dans ce commencement du XXe siècle, qui a vu éclater grandiosement le triomphe de la paix perpétuelle et de la fraternité toujours, il faut effacer les dernières taches immondes. Oh, merci, honoré monsieur le député, pour votre réponse, qui va à Genève avec celle des autres collègues du Parlement de la Grande France de la Révolution. Et c'est signé l'AMIDAF. L'AMIDAF. On peut dire tout de suite pourquoi. Oui, dites. L'AMI d'Action française. Mais le premier signataire était l'inexistantof. Quand on le dit d'un trait, l'inexistantof, ça laisse présumer qu'il pourrait bien s'agir d'un personnage dont l'existence est douteuse. Et donc, cette lettre a reçu des réponses positives de la part d'une demi-douzaine de députés. Et puis, la machine a été relancée lorsque des députés ont demandé qui était quand même ce peuple Poldève. Alors, on a cité à l'appui, les mêmes ont écrit une lettre rappelant que Voltaire, déjà, s'était élevé en faveur des Poldèves, que leur capitale s'appelait Cherchez-la. Évidemment, on l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Rappelez-vous les lettres de Voltaire à Constance Népusca. Voilà. Et au bout d'un mois, quand la mystification a commencé à beaucoup prendre, l'Action française s'est offert le plaisir, le journal, de révéler avec les noms ceux qui avaient répondu favorablement à cet élan du cœur, mais qui montraient tout de même qu'à l'époque où la France nouait des alliances de revers derrière l'Allemagne avec les pays d'Europe centrale et orientale, eh bien, des parlementaires, dont un membre de la Commission des affaires étrangères, supposaient que le peuple poldev, et que donc un État poldev, ou une province poldev, avait une existence réelle. Pour des représentants du peuple chargé de contrôler la politique étrangère du gouvernement, ça peut paraître surprenant. Peuple poldev finit par exister. On le trouve dans Tintin. On le trouve dans Tintin, dans le Lotus Bleu, qui date de 1936, où à Shanghai se trouve bel et bien un consul poldev, qui est d'ailleurs très maltraité par Mitsuhirato, vous connaissez l'histoire. Et encore. Mitsuhirato, le japonais. Voilà. Le méchant japonais. Le méchant japonais face au bon chinois. L'histoire est connue. Et puis, plus sérieux, en mai 1939, Marcel Déa, rédacteur en chef du journal L'Œuvre, écrit un article resté extrêmement célèbre, lorsque des bruits de bottes se font sentir du côté de la Pologne, eh bien, les paysans français n'iront pas mourir pour les poldèves. Et lui, Marcel Déa, était parfaitement normalien de la promotion 1914. Pour lui, les poldèves n'avaient aucune existence réelle, mais le peuple poldev avait fait tellement image, s'était tellement installé dans une forme de mémoire collective, que faire appel au poldev, c'était en effet désigner un peuple qui se trouve nulle part, comme dit Alfred Jarry, c'est-à-dire en Pologne. C'est une nouvelle version, un nouvel avatar de son autre fameux article « Mourir pour Danzig ». Voilà, qui est un peu postérieur. Il s'agit de ne pas accepter de défendre le couloir qui rejoignait la Pologne à la mer, qui apparaissait pour un homme comme Déa ne devant pas être un casus belli. Paul Davy, Pologne, tout ça, les Français n'avaient rien à y faire dans ces années-là, selon Marcel Déa, et on a vu où ça nous a mené. Avant de continuer notre revue, pour notre réjouissance, après Francis Blanche, je me dois de vous faire entendre Pierre Dac. C'est une archive plus ancienne, puisqu'elle remonte à 1945. Interview sur les bords du lac de Constance. Tenez-vous bien, Laurent Theis, du beau-frère d'Adolf Hitler. Sur les bords du lac de Constance, on rencontre nombre de personnalités de toutes nationalités. Et je vais vous présenter maintenant le docteur Fouquet Michels. C'est un nom comme ça qui ne vous dit rien. Et pourtant, le docteur Fouquet-Michels jouit actuellement, si l'on peut dire, d'une célébrité qui d'ailleurs ne l'enchante pas tellement. Je veux dire pourquoi ? Parce que le docteur Fouquet-Michels est le beau-frère d'Adolf Hitler, dont vous avez peut-être entendu parler. La femme du docteur Fouquet-Michels est née Ilsa Braun et la sœur donc d'Eva Braun, qui, paraît-il, s'est mariée in extremis 2 jours avant la capitulation. Avec le Führer dont je viens de vous parler. Voilà, alors je voudrais lui très obligatoirement, il veut bien se prêter à une interview. Il est là en ce moment, évidemment, il se balade un petit peu, enfin, il connaît les choses que pas mal de nous avons vécues. Il est en prison pour l'instant, pas là, puisqu'il est dans le parc, là, où il a fait le couchoir, enfin, je ne sais pas exactement pourquoi. Je crois que c'est surtout que cette parenté est assez gênante. C'est bien ça, docteur, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, malheureusement. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez vu quelquefois le Führer ? Je l'ai vu une seule fois. Une seule fois ? Oui. Il y a un an, maintenant. Où l'avez-vous vu ? À l'annonce de ma plus jeune belle-sœur, oui. Avec Fegelin. Oui. C'est une belle meuf ? Oh, ça sent un peu. Oui. Excusez-moi, j'aurais pu aller à mon tour de champ là-bas, mais enfin, on ne m'a pas invité. On a l'impression, Laurent Theis, on a l'impression qu'il s'agit souvent de faire surgir un personnage imaginaire et crédible dans ces canulars. Bien, il est d'autant plus crédible que Eva Braun avait en effet des sœurs, dont l'une, son nom a été prononcé rapidement, dont l'une avait épousé un certain Fegeler qui a été précipité avec Hitler dans la ruine du bunker de Berlin. Donc l'existence d'un beau-frère de Hitler via Eva Braun n'était pas du tout impossible. Évidemment, le faire sur les bords du lac de Constance, dont on a su que c'était le réduit, vous savez, de toute la collaboration, le faire aussi en 1945, pouvait quand même laisser présumer que le pastiche, que le faux était avéré. Néanmoins, il arrive qu'après tout, il y a aussi le faux journal d'Hitler, enfin les faux mémoires des uns et des autres. Là, c'est pousser le bouchon un peu loin. Mais Pierre Dac, vous le savez, était orfèvre et d'ailleurs a fait avec Francis Blanche une grande carrière de canularesque. Avant d'en venir aux mystifications, aux canulars plus proprement littéraires, il faut néanmoins que nous en citions un autre à caractère politico-touristique. C'est l'inauguration de la statue de Jean-Sébastien Mouche. Expliquez-nous ça. Eh bien, ce fut en un jour de 1953 que nous révélerons à la fin que fut inauguré un buste très impressionnant, avec moustache et barbe, de Jean-Sébastien Mouche, qui avait été, chacun le savait désormais, un fonctionnaire de la préfecture de la Seine sous Haussmann, puis de la préfecture de police ensuite où il avait créé d'ailleurs le corps des mouchards. Et puis en 1899, il a eu cette idée géniale d'organiser un service de bateaux sur la Seine pour faire circuler les visiteurs de l'exposition universelle qui ne trouvaient pas à se déplacer suffisamment dans un métro qui était encore balbutiant. Du coup, il a paru nécessaire de rendre hommage à ce grand serviteur de la navigation parisienne, d'autant plus que on ne savait pas pourquoi les bateaux qui circulaient sur la Seine dans ces années 1950-1955 s'appelaient bateaux-mouches, d'autant plus qu'ils étaient l'affiche portait bateaux-mouches, bateaux au pluriel et mouches au singulier. Et grâce à Robert Escarpite, qui est un normalien agrégé des lettres, mais qui aussi avait une grande connaissance de la navigation fluviale et de la préfecture de police. Et une petite chronique dans Le Monde en première page. Chronique dans Le Monde, on a reconstitué la carrière de Jean-Sébastien Mouche, dont le prénom n'était pas sans évoquer celui de Jean-Sébastien Bach, puisque le Bach est lui-même un moyen de transport fluvial. Et donc Jean-Sébastien Mouche est apparu le 1er avril 1953 avec un beau discours prononcé par un membre de l'Institut et des journalistes en grand nombre, des personnalités parisiennes qui sont venus sur la péniche L'Hirondelle saluer la mémoire de Jean-Sébastien Mouche, dont je crois savoir qu'un bateau mouche encore aujourd'hui, au débarcadère du pont de l'Alma, porte le nom de Jean-Sébastien Mouche. Quand s'entrelacent le canular et la réalité, c'est un dialogue assez plaisant, effectivement. À l'époque, en 53, d'ailleurs, c'était le triomphe du bord de Frétigny, qui était un bateau mouche, effectivement, sur la Seine, qui a accueilli en particulier la toute jeune reine Élisabeth II. Nous nous en souvenons. Vous en souvenez sûrement, oui. Vos grands-parents vous l'ont raconté. Non, j'entends encore le commentateur dire « la reine sourit de la main ». Ça m'avait toujours frappé. C'est comme la colonie où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Voilà. Alors j'en viens maintenant à des canulars plus directement littéraires. Et bien sûr, au cœur de ces canulars, il y a généralement l'apparition d'une œuvre imaginaire attribuée à un auteur imaginaire ou éventuellement attribuée à tort à un auteur qui existe. Je vais vous donner en particulier l'exemple de ce poème intitulé « La chasse spirituelle » et que Rimbaud, peut-être, avait écrit. Eh bien, en 1949, apparu dans le journal Combat, des extraits d'un texte attribué et signé d'Arthur Rimbaud, qui fut repris très peu de temps après par les éditions du Mercure de France, qui publièrent cette plaquette d'une cinquantaine de pages, si je me souviens bien, qui comportait ce texte de Rimbaud, dont Verlaine, dans sa correspondance, avait signalé l'existence, d'abord sans citer son titre, et puis dans une dernière lettre des années 1895, en rappelant qu'en effet, il avait vu un manuscrit de Rimbaud qui s'appelait « La chasse spirituelle » et que la femme de Verlaine avait fait disparaître dans des sombres histoires de succession, pour ne pas nuire à la mémoire de Verlaine. Et du coup, ce texte, très rimbaldien, a été salué par la critique, notamment par Maurice Nadeau, comme étant une découverte de première importance, d'autant que son préfacier, Pascal Piat, était lui-même un critique très écouté. Et cette chasse spirituelle a donc été livrée au public, qui a apprécié au fond cette découverte qui n'était pas sans précédent, d'un manuscrit perdu et retrouvé. Après tout, les choses se voient dans l'histoire littéraire depuis des siècles. Ce qui a amusé le public aussi, c'est que Pascal Piat, en l'occurrence, qui était un critique éminent, a été en situation d'arroseur arrosé. Exactement, puisque lui-même était l'auteur d'un sonnet donné par lui comme étant de Baudelaire, un sonnet à une courtisane, et encore d'un récit baudelairien qui avait même été inséré dans l'édition complète des œuvres de Baudelaire dans la Pléiade en 1941 comme étant du grand poète. Celle de Le Dantec. Voilà, préfaçant Rimbaud et le donnant pour certains, était lui-même l'auteur de canulars littéraires qui avait en leur temps réussi. Écoutez le témoignage de Nicolas Bataille, qui est le pasticheur canulant de cette affaire dans le cadre de Profil perdu. C'est une émission de février 1988. On voit une petite affichette, la petite affichette de Combat paraissant tous les jeudis, c'était le numéro du Combat littéraire, découverte d'un inédit de Rimbaud, La chasse spirituelle, extrait de l'œuvre, page du milieu. Alors là-dessus, on se dit, chic, on va pouvoir comparer la vraie avec la nôtre. On l'achète, le Combat, et puis on voit que c'était notre texte. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas. Et puis, en bas de page, j'avais écrit ce texte, va paraître prochainement au Mercure de France. Or, comme nous étions très amis avec M. Hartmann du Mercure, nous avons, par honnêteté, téléphoné tout de suite à M. Hartmann en disant « Nous venons de lire Combat, nous avons vu le texte qui était dans la page du milieu, on tient à vous prévenir, ne l'éditez surtout pas, c'est de nous, nous allons d'ailleurs vous expliquer l'histoire, c'était pour faire une blague, ah ça y est. » Là-dessus, il nous a dit, d'une voix blanche, « Pouvez-vous m'écrire par lettre recommandée ce que vous venez de me dire par téléphone ?» On dit « Mais bien sûr !» Et puis, une amie qui travaillait à la Une nous dit « Mais j'ai un texte qui vient de sortir du Mercure de France ». Et on se précipite et on le lit et on s'aperçoit qu'il était préfacé par Pascal Piat. Alors, nous avons été, si vous voulez, un peu comme l'apprenti sorcier, nous aussi, Pascal Piat aussi. Lui, ça a été vraiment l'arroseur arrosé, parce qu'il a fait quand même pas mal de faux Rimbaud, qu'il a fait éditer sous le nom de Rimbaud. Et d'ailleurs, il s'en cachait pas. Et tandis que nous, c'était vraiment une blague pour quatre personnes. Et ça a pris tout d'un coup une proportion extraordinaire. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il faut peut-être rappeler, Laurent Theis, aux rares auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui n'habitent pas Saint-Germain-des-Prés, que la Une est une librairie importante à côté de l'église en question. Ce qui renvoie d'ailleurs à un autre canular, qui est celui de Raymond Queneau, qui met beaucoup les canulars, et qui a inventé les œuvres de Sally Mara, une romancière irlandaise, la femme d'un quincaillier de Cork, qui avait beaucoup engraissé depuis la mort de sa femme et en avait conservé d'ailleurs qu'un assez vague souvenir, mais qui néanmoins avait des papiers. Et parmi ces papiers, il y avait cette formule « Les 1, piquant des 2, arrivèrent à 3, 4 à 4 ». Ça n'a pas empêché qu'on le croit. Oui, je crois qu'il faut rendre à l'achat spirituel le nom des véritables auteurs, donc Nicolas Bataille et aussi Viala Akakia, qui était sa consoeur et qui jouait ensemble Ionesco. C'est pour se venger des critiques qui les avaient descendus qu'ils ont voulu les mettre en difficulté, à quoi ils ont parfaitement réussi. Mais j'ajoute qu'à mon sens, Nicolas Bataille n'aurait pas dû téléphoner à l'éditeur du Mercure de France, car un canular doit être mené jusqu'au bout, sauf s'il entraîne des dangers pour les personnes. Mais avoir stoppé le processus à moitié, c'est un peu dommage. Oui, mauvais point. Oui, il y a souvent cette idée de vouloir s'amuser aux dépens des critiques, surtout quand on en a souffert parfois. Il y a un autre cas qui a beaucoup frappé, c'était le fameux numéro 100 de la collection Écrivain de toujours, au seuil consacré à ce magnifique écrivain qui était Marc Ronsard. Et je crois qu'il faut s'y attarder un moment. On peut en dire un mot. En effet, en 1978, apparu dans la collection Écrivain de toujours, aux éditions du Seuil, un livre consacré par Claude Bonnefoy, un critique et auteur réputé, ou en tout cas réputé sérieux, un ouvrage consacré à Marc Ronsard, un poète prématurément enlevé à notre admiration en 1973. L'accident de montagne. Un accident de montagne, exactement, à 32 ou 33 ans. Et donc, comme le veut la collection, on présentait la vie de l'homme, des extraits de son œuvre, et également un dossier iconographique où on voyait Marc Ronsard avec Philippe Solers, avec beaucoup d'écrivains, avec les personnes qu'il avait connues. Une photo de lui à côté de Bernard Pivot à la télévision. Exactement. Et donc, Marc Ronsard a été rendu à ses admirateurs grâce à ce numéro 100 de la collection. Les critiques ont fait des comptes rendus et ont trouvé que ce n'était pas si étonnant qu'on n'ait pas connu à ce point Marc Ronsard, car sa prose et sa poésie n'étaient pas d'une qualité qui méritait jusque-là. Mais enfin, puisqu'il était mort, puisque Claude Bonnefoy le présentait, il fallait néanmoins reconnaître qu'il était un poète d'aujourd'hui. Seulement, dès que la corporation des critiques a compris que tel ou tel d'entre eux avait été piégé, immédiatement un lourd silence est tombé sur cette plaisanterie. Et donc Marc Ronsard, on peut encore le lire aujourd'hui, mais uniquement dans cette édition. Alors on est toujours, Laurent Theis, quelque part à mi-chemin entre le canular qui est d'une certaine façon désintéressé, qui met en valeur des ridicules ou des maladresses, et puis le moment où on s'approche de l'escroquerie. Voilà, je crois qu'on peut distinguer trois degrés. En effet, le canular aux mystifications, qui est gratuit et qui est destiné à faire rire et à faire rire tout le monde s'il est réussi. Et c'est ce qui se produit généralement. Ensuite, la supercherie qui, elle, veut obtenir un certain résultat au profit de celui qui l'a conçu. Un résultat qui n'est pas forcément matériel, mais qui peut être, en effet, politique, idéologique ou d'une autre nature. L'action française. Voilà. Pour rester dans la politique. Et puis alors, l'escroquerie, mais qui transite, si je puis dire, par la mystification, mais qui a une fin crapuleuse. Alors évoquez Vrain Lucas, c'est une magnifique histoire. Cette affaire s'appelle Vrain Lucas, en vérité, elle devrait s'appeler l'affaire Michel Charles. Au milieu du Second Empire, Michel Charles est venu présenter, qui était un mathématicien hors pair, dont le théorème existe toujours, et lui, qui n'a pas été annulé parce qu'il lui est arrivé par ailleurs, eh bien, a présenté à ses confrères de l'Académie des sciences des lettres tout à fait extraordinaires, des lettres de Pascal, qui montraient que 20 ans avant Newton, il avait découvert le théorème, le secret, si j'ose dire, de la gravitation universelle, le théorème bien connu, 1/2 de gamma T2, qui est la formule de la gravitation universelle, comme vous savez, Jean-Noël Jeannet. Les confrères se sont récriés pour la plupart d'admiration, car on rendait à la France ce dont l'Angleterre l'avait injustement dépouillé. Et puis de proche en proche, Michel Charles s'est mis à produire des documents d'une autre nature mais qui éclairait des pans de l'histoire qui étaient restés jusque-là inconnus. Par exemple, mais telle attendez, lettre... attendez, déjà la lettre de Pascal, c'était assez étrange, puisqu'elle était supposée adressée à Newton qui avait 4 ans. Oui, alors, quelques... Vous savez comment sont les savants? Non, pas vraiment. Les positivistes ont émis en effet des réserves sur une chronologie hasardeuse. Dérisoire. Mais Michel Charles a apporté d'autres documents du même tonneau, montrant qu'en effet tout cela était plausible et que à 4 ou 5 ans, en réalité c'était un peu trompé sur la date de naissance de Newton, eh bien tout ça était tout à fait plausible et la majorité de ses confrères continuent à le suivre. Et comme ça marche, on en rajoute. Et on en vient pour éclairer par exemple l'œuvre d'Aristote et ses rapports avec Alexandre, qui ne sont pas très bien connus malheureusement, des lettres très intéressantes d'Aristote à son disciple Alexandre. Et comme ça n'était pas assez, vous savez que les évangiles eux-mêmes sont obscurs. Les lettres de Lazare à Saint-Pierre ont permis d'éclairer aussi des pans de la vie du Christ qui avaient échappé aux évangélistes. C'était rédigé dans un style moyenâgeux. Un style médiéval, un style ancien français qui, évidemment, pouvait surprendre. Mais enfin, vous savez, les génies, la langue de génie, c'est la langue française. Et qu'elle est transitée par éventuellement un transcripteur qui, d'ailleurs, dans le cas d'Aristote et Alexandre, était autre que Rabelais, qui de sa main, d'ailleurs c'était des manuscrits autographes, avait transcrit le grec de l'époque dans le français du temps, mais le contenu, lui, était absolument irréfutable. Comme nous savons que tout ce qui n'est pas clair n'est pas français, il fallait bien passer par le français pour dire ses clartés. Voilà, et les morceaux des mémoires de Vercingétorix ont beaucoup appris aussi, vous savez qu'à l'époque de Napoléon III, on s'intéresse beaucoup aux Gaulois, ont beaucoup appris aussi sur ce qu'avait été Vercingétorix dans ses rapports avec César, qui là aussi demeurait incertain. Non, c'est plus sur Socrate aussi, enfin. Enfin, on en sait sur Socrate. On a enfin des écrits de Socrate, lui qui ne transmettait, mais heureusement on a sauvé quelques lettres à Platon qui permettent aussi de montrer la genèse des dialogues socratiques. De fil en aiguille, il s'est avéré que le faussaire Vrain Lucas, parce que c'était lui, qui à la fin, tellement pressé par Michel Charles, travaillait jour et nuit à la chandelle à produire des faux à tour de bras, avait escroqué à ce digne savant 150 000 francs or. C'est énorme, non ? Ce qui ferait environ 5 millions d'euros aujourd'hui. Charles était très riche. Et 27 000 pièces, pas une de moins, ont été fournies par Vrain Lucas en 7 ans à Michel Charles, qui, à un moment, s'est tout de même demandé comment on pouvait lui apporter des lettres du matin au soir avec un tel rythme, et a posté un inspecteur de police qui a découvert la supercherie. Alors, ce qui est très fâcheux, je trouve, c'est que Vrain Lucas a été condamné à 2 ans de prison en 1870 comme faussaire. Alors que le seul responsable, sinon le seul coupable, c'était d'abord Michel Charles, membre de l'Institut de France, que nous révérons, et qui s'était laissé embarquer, alors qu'au départ, l'intention de Vrain Lucas n'était pas de rouler Michel Charles. Il lui avait demandé un jour une expertise sur des prétendues lettres qu'il avait trouvées dans un vieux château. Et voyant que Michel Charles mordait à l'hameçon, l'avait submergé de ses courriers que Michel Charles réclamait presque tous les jours. Donc il avait exercé, Vrain Lucas, un petit métier rare, mais qui impliquait un grand labeur. Exactement, et je crois qu'il était chargé de famille, et qu'au fond, chacun gagne sa vie comme il peut. La prison à quoi a été condamné Vrain Lucas pose la question des relations entre le droit et le canular. Je trouve en effet que, au fond, c'est une création qui est de nature artistique. Celle de Vrain Lucas. Il n'a pas extorqué de l'argent. Il a été prié de fabriquer pour quelqu'un un matériel dont il avait besoin pour son propre prestige. Au fond, il a passé des milliers d'heures à effectuer au prix de l'heure. Je pense qu'il n'a pas trompé son commanditaire, de sorte que je crois que Vrain Lucas doit être salué comme quelqu'un qui a une forme de génie, même s'il est dévoyé. Mais méfions-nous, en effet, des faussaires. Dès lors que l'on cherche quelque chose, on trouve souvent quelqu'un pour vous le fournir. Est-ce que vous envelopperiez dans la même indulgence, par exemple, j'y songe en vous écoutant, le fameux Van Meegeren qui a fait de faux Vermeer avec tant de talent ? Mais écoutez, c'est inquiétant, l'affaire Van Meegeren, parce qu'en vérité, cela signifie que quand le génie est reproductible ou quand le génie peut être reconnu à un faux tableau, eh bien, nous sommes devant une question qui est presque une question morale, davantage qu'esthétique. C'est que, au fond, quelle est la différence entre le vrai et le faux ? Sinon les pigments, sinon le fond du tableau, sinon la signature. C'est un Vermeer aussi vrai que le vrai. Donc là, nous sommes dans le... même pas dans le plagiat, nous sommes dans l'imitation qui rejoint l'original. De même qu'il existe des versions différentes de tableaux uniques. Je pense, je sais pas moi, à Chateaubriand par Giraudet, il en existe 5 ou 6 versions de la main du maître ou de ses élèves. Eh bien, personne ne sait quel est le premier qui a été peint par le maître Giraudet. À ce propos, dans l'histoire littéraire, Laurentès, il y a une histoire qui est restée célèbre, c'est l'apparition, puis la disparition, dans des circonstances qui vont vous être dites, de Louise Lalanne, qui était une critique littéraire, qui écrivait dans un journal qui s'appelait Des Marges, et qui un jour va disparaître, en réalité, derrière elle. Son passage dans la critique littéraire et dans la création littéraire a été météoritique, malheureusement. C'est dans quelques mois de l'année 1909 qu'on a pu lire dans cette revue Les Marches des critiques littéraires très affinées, très instruites, très informées et dans un style éblouissant à propos d'écrivains contemporains ou plus anciens, assortis d'ailleurs de poèmes qui n'étaient pas sans valeur. Et donc, cette découverte de Louise Lalanne, mais les talents se découvrent tous les jours, a été saluée par les contemporains qui se sont emparés de ce nouveau phénomène littéraire, comme chaque génération en produit. Jusqu'au jour où Louise Lalanne a connu un sort que sa prose ne laissait pas attendre. Ses poèmes aussi, je vous en lis un poème. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la chanson de Louise Lalanne que voici. « Les myrtilles sont pour la dame, qui n'est pas là. La marjolaine est pour mon âme, tralala. Le chèvrefeuille est pour la belle, irrésolue. Qu'en cueillerons-nous les airelles ? L'enturlu. Mais laissons pousser sur la tombe, au folle, au fou, le romarin en touffe sombre, l'aïtou. » Ça ressemble à la virtuosité d'un poète contemporain de Louise Lalanne. À qui donc ? C'est plus. Une fâcheuse nouvelle à apprendre au lecteur des marges. Mademoiselle Louise Lalanne vient d'être enlevée par un officier de cavalerie. Cela nous a surpris de la part d'une personne dont les mœurs avaient toujours été irréprochables. Inutile de dire qu'aux marges, nous ne badinons pas sur le chapitre de la vertu. Nous partageons à cet égard les idées si raisonnables des gens du monde d'aujourd'hui. Dans le privé, tout ce que vous voudrez, ne vous gênez pas, mais de la discrétion et pas de scandale. Nous ne savons pas où Mademoiselle Louise Lalanne est passée. Nous craignons fort que cet écart si regrettable interrompe une carrière littéraire très brillamment ouverte. Maintenant qu'elle nous a quittés, nous pouvons bien dire, ma foi, qui elle était et raconter son histoire. Louise Lalanne, ce n'était pas son véritable nom. Et en réalité, elle était du sexe masculin. Mais les meilleures plaisanteries sont les plus courtes. Et puis, une critique même fantaisiste de la littérature féminine, vraiment, cela ne peut avoir qu'un temps. Aujourd'hui, Guillaume Apollinaire enlève sa perruque, son corsage et son jupon. Guillaume Apollinaire ? Eh oui, Apollinaire, l'artilleur de Metz. Le chantre viril des canons priapiques, le bon géant volontiers gaulois, portant ici corset, perruque et long jupon. C'était une émission réalisée par Alain Truta, qui était un grand personnage dans l'histoire de France Culture, grande oreille, un remarquable réalisateur, diffusée le 16 mars 1950, et on a reconnu la voix du comédien Pierre Larquet. On a là en réalité une liste assez longue de ces auteurs imaginaires. Il y a les fameuses déliquescences d'adorer Floupette qu'on doit à Vicaire, à Gabriel Vicaire, et qui a également marqué l'histoire du symbolisme du côté des pastiches. On est toujours près du pastiche. Oui, mais alors le pastiche est autre chose que la mystification. Le pastiche est avoué comme tel par un auteur lui-même. Dans le cas que nous avons évoqué, Louise Lalanne est une créature derrière laquelle s'efface complètement le véritable auteur, Guillaume Apollinaire. C'est-à-dire que dans le cas du pastiche, qu'il s'agisse à un niveau inférieur de ceux de Paul Reboux et Charles Muller. À la manière d'eux. À la manière d'eux. Qu'il s'agisse du pastiche du journal du Goncourt de départ Proust, mais Proust signe lui-même le pastiche. Donc le pastiche est un exercice de style, mais qui n'est pas destiné à tromper. Il est destiné purement à des fins récréatives. Et en somme, d'ailleurs, il fait appel à la culture de ses lecteurs, alors que le canular fait appel à leur naïveté ou à leur ignorance. Oui, là, violent contraste. L'un s'intéresse à l'esprit, l'autre davantage à l'émotion. Vous vous rappelez à la manière de Déroulède, le grand chantre du nationalisme par Reboux et Muller, qui raconte l'histoire d'un officier français qui en 1870 avale un drapeau pour empêcher que celui-ci tombe dans les mains de l'ennemi prussien. Il mangea le bleu, le blanc puis le rouge, son cœur est trop haut pour un haut le cœur, sur son front d'airain pas un pli ne bouge. Puis après la soie, il mangea la hampe, ce fut le plus dur, le plus valeureux, on l'avait taillé en chaîne d'étampes. Mais lui de l'aubier surpassait la trempe. Il murmurait France et mangeait quand même. Lorsque tout à coup son cœur s'arrêta, l'aigle de Sedan, il devint tout blême, et le coq gaulois de ce cœur l'emblème, n'admit point l'oiseau qui capitula. Il murmurait France et mangeait quand même. Lorsque tout à coup son cœur éclata. Laissons le pastiche parce qu'il nous entraîne aux marges de notre sujet. Je reviens à un autre canular littéraire, une autre mystification. Elle concerne une pièce inédite, tenez-vous bien, une pièce inédite de Molière. C'était sa première pièce, en fait, qui était tombée, on ne sait pas pourquoi, dans l'oubli, qui s'appelait Le Docteur Amoureux. Voici une archive du 12 mai 1957, avec générique d'époque. Le studio d'essai présente Sous le masque. Divertissement littéraire avec participation au concours La Minute du Lettré. Une production de Suzanne Delvé avec le concours artistique de Georges Armand Masson. Réalisation Jean Hersan. Prendront part à ce divertissement Edwige Feuillère, Arletty, pastichée par Claude Véga, Hubert Prélier, Henri Virlogeux, Maurice Pierra, avec Suzanne Delvé et Georges Armand Masson. Aujourd'hui, pour notre seconde émission, nous parlerons de la mystification littéraire. La première pièce de Molière, Le Docteur Amoureux. J'ai retrouvé le récit de cette histoire à la Bibliothèque nationale, et voici comment elle se déroula. Un jeune poète parisien, Ernest de Calonne, avait rencontré à Rouen un certain Guéroult Lagrange, avocat dans cette ville, qui se déclarait descendant du comédien Lagrange, camarade de Molière. Et celui-ci, en fouillant dans une armoire où se trouvaient entassés de vieux papiers de famille, y avait découvert une copie du Docteur Amoureux. Calonne aussitôt met au net ce document et l'apporte au directeur de l'Odéon, Auguste Lireux. Celui-ci, comme tout bon directeur de théâtre, en quête de sensationnel, s'empresse de mettre la pièce en répétition. Toutefois, il lui semble que la copie est incomplète, qu'il doit manquer une scène. Aussi demande-t-il à Calonne d'écrire à Guéroult Lagrange pour le prier de faire de nouvelles recherches. Et en effet, au miracle, la scène est retrouvée. Guéroult Lagrange s'excusait, il avait dû dans son émoi laisser tomber quelques feuillets. Auguste Lireux n'hésite plus à pousser les répétitions, et à la fin de février 1845, l'affiche de l'Odéon annonce, au milieu d'un programme consacré à Molière, entre l'avare et le malade imaginaire, ce hors-d'œuvre alléchant. Ce hors-d'œuvre alléchant, il a été joué donc. Il semble qu'il ait été monté, peut-être était-il de bonne facture, et peut-être en effet a-t-il été écrit par quelqu'un d'autre qui s'appelait également Molière. On est particulièrement crédule sous cette monarchie de Juillet qui vous est chère, Laurent Tesse, puisque vous êtes le biographe de Guizot. Non, je crois que la crédulité est également partagée par les siècles. Et si la monarchie de Juillet a commis bien des erreurs, ce n'est pas pour avoir pris des vessies pour des lanternes littéraires. Nous ne l'accablons donc pas. On s'approche, Laurent Tesse, d'une autre catégorie qui est incarnée par le cas, évidemment, tout à fait exceptionnel de Romain Gary et de Émile Ajar. Un moment où un auteur paraît en quelque sorte accablé par sa propre gloire et a envie de faire la démonstration que ce n'est plus elle seule qui justifie son succès. Oui, c'est l'histoire en effet littéraire, mais beaucoup plus que littéraire, puisque d'une certaine manière il en est mort, de Romain Gary, qui a écrit sous trois identités. La sienne propre d'abord, Romain Casseuf, les romans publiés avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, sont signés Romain Casseuf, il y en a trois je crois, ou quatre. Cherchant un pseudonyme, d'ailleurs il raconte dans ses souvenirs que tout à coup il voit le nom de Charles de Gaulle et il se dit « zut, c'est exactement celui que je cherchais, trop tard ». Et ensuite, Romain Gary qui était son nom de guerre, avec lequel il rencontre d'immenses succès, en particulier Les Racines du Ciel, qui obtiennent le prix Goncourt en 1958. Il était compagnon de Libération. Il était compagnon de Libération, c'est un héros de la France libre. Mais il avait obtenu tant de succès entre les années 1945 et les années 1970 qu'on lui reprochait d'écrire au fond toujours le même livre et de suivre avec succès toujours la même veine. Et d'une certaine manière, il a voulu disparaître des librairies, des critiques, des gazettes et réapparaître sous une autre forme où personne ne le reconnaîtrait. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître un certain Émile Ajar avec des livres dont le plus important est La vie devant soi, qui obtient le prix Goncourt en 1975, ce qui fait que le même auteur, pour deux textes et deux identités différentes, a obtenu deux fois le prix Goncourt, ce qui est interdit par les statuts de ce jury. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la supercherie n'a été véritablement découverte qu'après la mort par suicide de Romain Gary, et qu'il s'est trouvé un auteur, une personne, pour incarner physiquement et recevoir physiquement le prix Goncourt. C'est Paul Pavlovitch, le petit-neveu de Romain Gary, qui a usurpé, à la demande de son grand-oncle, l'identité d'Émile Ajar. On a là un phénomène d'une complexité rare qui, je crois, n'a jamais été, ni précédemment ni postérieurement, imité ou égalé, le dédoublement, non seulement littéraire, mais physique, social, intellectuel, d'un seul auteur, qui lui-même a réussi à trouver un ton totalement différent, une écriture totalement différenciée, de sorte que, d'une certaine manière, Émile Ajar a réellement existé, car ce n'était pas le Romain Gary des Racines du Ciel. La réaction, d'ailleurs, du, du cousin, du petit-neveu, a été intéressante. Il a d'abord acquis quelque chose comme une gloire usurpée, il en a peut-être tiré de la satisfaction. C'est à l'époque où il disait « Si Romain m'avait demandé d'aller poser un poisson d'avril dans le dos de De Gaulle, je l'aurais fait ». Oui, mais... Et puis après il en a souffert lorsque Romain Gary, notamment, a publié un livre qui s'appelait « Pseudo ». Et lorsque Romain Gary, et le seul de ses éditeurs qui était au courant, a tenté de dissuader Émile Ajar Pavlovitch d'aller recevoir le prix Goncourt. Eh bien, Paul Pavlovitch a décidé qu'il irait quand même, car il était bel et bien Émile Ajar, quoi qu'en pense Romain Gary. Dans le cas de Gary, c'est un homme très célèbre qui recherche étrangement l'obscurité. Puis il y a le contraire. Il y a des personnages qui s'efforcent d'imaginer un personnage qui n'existe pas pour, sous cette livrée, réussir à atteindre une première gloire, un premier succès en tout cas. Je pense par exemple à Clara Gazul, ou Gazul de Prosper Mérimée. Et oui, c'est un ensemble de quelques pièces qui ont paru dans les années 1820 et qui étaient dites, traduites par Prosper Mérimée, d'une œuvre d'une jeune espagnole qu'on connaissait peu, c'est l'Espagne est à la mode à l'époque, Hugo écrit ses ballades et ses orientales. Paris a lu avec plaisir ces pièces de Clara Gazul, tellement bien faite qu'on s'est demandé si elle était vraiment traduite de l'espagnol. Et il n'a pas fallu trop longtemps pour que soit démasqué le forgeron de ces pièces, Prosper Mérimée, qui a été ainsi lancé en littérature par le biais d'une jeune femme, ce qui est toujours sympathique. Il y a aussi Barnabout. Et puis il y a aussi Barnabout de Valérie Larbeau. Bref, le recours à des intermédiaires qui permettent à un auteur qui ne sait pas comment commencer ou comment se faire entendre, selon l'adage, nul n'est prophète en son pays. C'est le cas que nous évoquerons peut-être de Boris Vian. Mais vous devez sûrement l'évoquer, puisque vous y tenez visiblement. Boris Vian, c'est l'époque où ce sont les États-Unis qui ont du prestige. Et donc son premier roman, qui s'appelle, il est devenu très très célèbre, « J'irai cracher sur vos tombes », est signé Vernon Sullivan. Vernon Sullivan. Prétendument une traduction. Écoutons-le commenter cela peu de temps avant sa mort. Je parle de Boris Vian. Mais dites-moi, Boris Vian, ce livre, « J'irai cracher sur vos tombes », je l'ai acheté, moi, au moment de sa parution. Ah, vous l'avez acheté, il est resté en vente libre pendant un an et demi ou deux ans à peu près. Ce livre a eu quand même énormément de lecteurs. Il a suffi d'une plainte, d'une personne, pour le faire interdire. Et on affirme qu'on vit en régime de majorité. Enfin, tout ceci sont des incidentes. On m'a accusé d'avoir présenté ce livre comme une traduction. Et on a établi les poursuites d'après un décret-loi, je crois, du temps de Daladier en 39, qui autorisait la justice à poursuivre des traductions préjudiciables au moral de la nation ou quelque chose comme ça. Ceci après m'avoir fait avouer que c'était moi qui l'avais écrit et que ce n'était pas du tout un auteur américain. Mais comme je l'avais dit pour l'amusement des journalistes d'ailleurs. Il y a de célèbres précédents. Il me semble que Mérimée a fait la même chose avec le théâtre de Clara Gazul. Oui, il oui, l'a donné également comme une traduction de l'espagnol. Oui, j'avais de très bons réponses. Raymond Queneau a signé des livres sous un autre nom également, dans la même collection. Salim Marat. Je suis un peu responsable de ça. C'est moi qui lui avais suggéré de faire ça. J'avais trouvé ça drôle. C'est très amusant d'ailleurs, les livres de Queneau. Là, on peut en fait trouver aussi une recherche du profit, puisque c'est le grand moment du succès du roman noir américain, où s'agitent les passions de toutes sortes, la violence, le sexe, etc. C'est le temps du succès de la série noire de Marcel Duhamel chez Gallimard, et un éditeur qui n'a pas finalement les moyens de s'offrir des romans américains demande à Boris Vian, débutant, d'en imaginer un sous un nom d'emprunt. Alors je crois que la démarche a été double. D'une part, Boris Vian voulait écrire un roman très sulfureux, et dont il sentait bien qu'il ne serait pas accepté sur la place de Paris si facilement, à une époque où on censure encore beaucoup. Et donc, ce Jean d'Alluin, le fondateur des éditions du Scorpion, a demandé à son ami Boris Vian de lui procurer un texte susceptible de donner du lustre et du revenu à sa maison d'édition. Et c'est ainsi que Boris Vian, empruntant à deux camarades de son orchestre de jazz, l'un qui s'appelait Vernon et le pianiste Sullivan, a fabriqué ce pseudonyme, Vernon Sullivan, et a écrit ce roman dont il a simplement signé la traduction. Donc c'était « J'irai cracher sur vos tombes », auteur Vernon Sullivan, et c'était écrit aussi « Traduction de Boris Vian ». Et de fait, le succès a été considérable, ce qui n'était qu'un coup est devenu quelque chose qui a traîné, si j'ose dire, Boris Vian toute sa vie, puisqu'il a fait paraître d'autres livres sous le nom de Vernon Sullivan, avant lui-même de signer ses propres ouvrages qui connaissent le succès actuel, qui est depuis maintenant 60 ans. C'est un point commun à tous ces canulars, ces mystifications, ces plaisanteries dans l'ordre politique et dans l'ordre littéraire, que les plus fameuses échappent en fait à leurs créateurs, à ceux qui les lancent. Oui, là je ne pense pas du tout que la démarche dans laquelle s'est lancé Boris Vian, dont c'était le premier livre, était voué à un succès pareil. Mais ce qui m'inspire aussi réflexion, c'est le fait que personne, dans les mois qui ont suivi, parce que cette supercherie a tenu un certain temps, personne n'ait songé à téléphoner, à lire, à regarder des fichiers de bibliothèque pour savoir si Vernon Sullivan existait réellement et avait produit, comme c'était écrit, des romans aux États-Unis qui avaient remporté un grand succès. Tout de même, le défaut de travail de ceux qui ont métier de faire connaître la littérature laisse toujours un peu pantois, et je crois que ce sont des mises en garde salutaires, tous ces canulars ou certains d'entre eux que nous avons rappelés, de voir que les gens se laissent submerger par l'impression du moment, par l'émotion, et c'est bien obligé de le dire, ne travaillent pas, alors que les pasticheurs ou que les mystificateurs, eux, travaillent beaucoup. Nicolas Bataille a passé beaucoup de temps à élaborer sa science spirituelle. Mais le critique, lui, cassons du sucre sur son doigt un petit peu, ne prend pas la peine de vérifier ce qu'il a sous les yeux, parce que dans le contexte que vous indiquez, ça l'arrange de savoir qu'il y a des romans américains noirs qui sont traduits en français, on ne va pas plus loin. Est-ce qu'on peut rappeler à mi-voix, qu'on a été frappé de la même façon du temps qu'il a fallu pour qu'une journaliste lise le livre de Bernard-Henri Lévy, puisque c'était le point de départ de notre conversation, et découvre le sort qu'il faisait à Botul, ce qui d'ailleurs était d'autant plus surprenant qu'en fait, ce canular était un peu éventé, que beaucoup de gens savaient que Botul était une invention de Frédéric Pagès. Et puis le nom de botulisme qui va avec aurait dû tout de même inspirer la méfiance, puisqu'on sait que le botulisme est cette toxine qui provoque une hallucination. Donc Bernard-Henri Lévy a été halluciné sans découvrir que le botulisme qu'il habitait était un botulisme qui n'était pas clinique, mais qui était purement fictif. Mais il faut saluer Aude Lancelin, citons-la, puisque c'est la première journaliste qui, pour le Nouvel Observateur, a lu d'assez près le livre de Bernard-Henri Lévy pour s'apercevoir de la mystification dont il avait été victime. On peut en citer encore une autre. Il a fallu quand même beaucoup d'années, beaucoup trop d'années, pour découvrir que sous Pauline Réage se cachait Dominique Horry, auteur d'Histoire d'eau. Et comme à l'époque on était misogyne, on a pensé que c'était Jean Paulhan. Voilà. De la complexité des masques, des contre-masques. Merci beaucoup. Merci. Vous existez, donc je suis heureux de le confirmer, Laurent Theis. Vous êtes d'autant plus vivant que vous avez publié cette biographie que j'ai citée en passant. François Guizot, ce n'est pas un canular, il a existé, Guizot. Il a existé réellement, il a laissé la plus grande correspondance du 19e siècle français. Et aucun faussaire ne serait venu à bout de la tâche, même Vranluc. Je voudrais signaler, pour le sujet précis qui nous a réunis, c'est-à-dire le canular, les mystifications littéraires, je voudrais signaler l'ouvrage collectif qui s'appelle « Demain de maître, l'artiste et le faux », publié au Musée du Louvre Édition et Azan en 2009. Et puis l'ouvrage d'un auteur qui s'est beaucoup occupé de ces questions, qui est Jean-François Jandillou, qui a publié notamment sous le titre « Les supercheries littéraires », une sorte d'inventaire des plus remarquables d'entre elles. C'est un ouvrage important, très utile, qui nous a été précieux dans la préparation de cette émission. Et enfin, je signale de Philippe Di Folco, Les grandes impostures littéraires, aux éditions Écriture 2006. Vous retrouverez ces informations bibliographiques, les références des documents sonores que nous avons utilisés sur le site internet de France Culture. Vous trouverez aisément notre page, celle de Concordance des temps, et vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission. Et bien sûr, nous sommes gourmands de vos réactions, nous dire ce que vous en avez pensé, sur le mode du sérieux ou sur le mode de la blague. Libre à vous. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet réalisée par Patrick Molinier avec la collaboration toujours précieuse de Meryl Moneghetti, avec Eva Wester, Jérôme Bonnetin, Ariane Herbet pour la prise de son et pour les archivina, Hervé Evano.